La POC, une présentation de danslescoulisses.com. La référence pour tout savoir sur le CH avant tout le monde. Si tu connais pas danslescoulisses.com, tu connais pas le hockey. Voici JB Gagné et Jerry Godbout. La POC. Salut tout le monde et bienvenue dans La POC, votre podcast de hockey. Non, ce n'est plus hors-jeu, changement de nom, parce que on s'est dit, au cas qu'on deviendrait big, ce serait comme poche de se faire poursuivre par RDS, fait que aussi bien changer de nom rapidement. Et on a eu quelques opportunités pour des perspectives d'agrandissement, je vous explique ça, mais avant, je me présente, je vais gagner votre animateur. Avec moi, mon comparse de toujours, Jerry Goodbout. Hey, salut. Et notre invité de la semaine, on n'en aura pas à toutes les semaines, mais lui, ça fait tellement longtemps qu'il veut venir sur le show. Écoute, il y a nos numéros de téléphone, puis ça serait cool si le SQ faisait une enquête dessus. Avec nous, Sylvain. Salut, Sly. Salut tout le monde. Sylvain Rioux, ça va bien? Oui, ça va vous autres les boys? Yes. Yes, sir. On est content de t'avoir sur le show. Oui. Puis je tiens à dire que... T'es le premier invité de la POC. Oui, exactement. C'est vrai. Et Jeff Drouin qui a fermé hors jeu. C'est quand même, tu sais, c'est des invités de marque. Je veux remercier d'entrée de jeu Frank Pocket du podcast Le Crachoir. J'ai fait, c'est un ami de longue date à moi, et j'y ai fait la petite demande de nous faire une promo pour le show pour sportradio.ca qui va présenter le show de la POC à partir de maintenant. Donc une promo pour inviter les auditeurs de cette plateforme-là à venir nous écouter. Et en même temps, j'ai demandé de nous faire notre intro de show. Fait que c'est cool, c'est pas nous autres qui se présentent dans notre début de show. Fait que ça, c'est vraiment nice. Donc, on remercie énormément Frank Pocket du podcast Le Crachoir qui a fait notre promo et notre intro de show. Un gros merci, une belle passe à la palette, ça. On aime ça pas mal. Merci, Frank. Yes. Nouvelle formule aussi, comme on a des partenaires, on va être sur sportradio.ca, Radio H2O, dans pas tellement longtemps, on est en train de régler les derniers détails. Donc, ces deux plateformes-là, ils voulaient de la régularité. Donc, à partir de maintenant, à partir de là, nous allons enregistrer à chaque deux semaines les lundis soirs. Pourquoi? Ben, pour avoir de la régularité et pour avoir un rendez-vous seté. Comme ça, c'est moins dur de se prévoir, moi puis Jerry. Parce que c'était une des affaires, c'est « Hey, t'es-tu libre, là? » Non, ben, tu sais, il aurait fallu que tu me le dises d'avance parce que j'ai un souper, blablabla. Ben là, on va le savoir à tous les deux semaines. Le lundi soir, on a un show. Fait qu'on va être régulier. Pis ça, ben, ça veut dire plus de contenu pour vous autres. La POC explose pour la saison 2016-2017. Ça fait le tour pour mes annonces de début de show. On peut parler d'hockey à cette heure. Tu sais, puis avec toutes les annonces de All Brand qu'on voit, qu'on est petit, on sait que la régularité, c'est important. Oui, très important. C'est la base d'une bonne flore intestinale. Je veux savoir. Voilà, donc il fallait que je commence avec une joke scato en partant. Comme ça, vous cernez le personnage, puis après ça, on est capable de passer à autre chose. Ça met alors la voilà, mon très sac haute. Est vide, c'est correct. Voilà, c'est ça. Bon, il a déjà vidé son sac. Hey, je veux savoir, les boys, vos impressions pour la première semaine d'activité du Canadien de Montréal. On a quelques matchs de jouer. 5 pour être précis. Je veux savoir votre impression jusqu'à maintenant, depuis le début de la saison. On va laisser l'invité partir. Ouais, ben en fait, c'est une autre partie du débat, mais l'invité était un grand fan du CH. Ah, c'est terminé cette époque-là. Hein? Jusqu'à il y a quelques mois, et puis. Finalement, j'ai retrouvé mes soirées où je regarde d'autres matchs que ceux du CH. J'ai vu des séquences ici et là. Ça a l'air d'être bien parti de ce que j'ai vu, en tout cas. Par contre, on va dire les vraies choses, les équipes de Michel Therrien ont toujours des débuts de saison canons. Après ça, c'est là que ça se gâte. Maintenant, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Mais de ce que j'en ai vu à date, ça va quand même assez bien. L'expérience Alexander Radulov a l'air de d'être beaucoup plus heureux, d'être beaucoup plus heureuse que plusieurs des coups de dés que Marc Bergevin avait fait les dernières années, quand on pense à Pia Parento ou à Alexander Semin. Donc, c'est sûr que le coup de dé de Radulov, pour l'instant, a l'air d'être un big win pour Marc Bergevin. Évidemment, on va se garder une gêne parce qu'il y a 5 matchs de jouer jusqu'à maintenant. Mais s'il peut rester dans les bonnes grâces de Michel Therrien, l'expérience devrait être concluante. Maintenant, j'aimerais ça le voir jouer plus régulièrement avec Alex Galchenyuk. Les oui. rares fois où est-ce qu'on l'a vu, ces deux-là font des flamèches ensemble. Oh, et je ne peux pas croire. Mais je peux pas croire que si la majorité de l'amateur moyen, tu sais, on va se mettre dans cette catégorie-là, là. Si nous, on est capable de déceler ça, cette espèce de magie-là, tu sais, il y a des choses comme ça, tu sais, puis là, c'est peut-être gros, mais tu sais, c'est juste pour donner des exemples, tu sais, il y a des joueurs comme ça où est-ce que, il y a des duos de joueurs que, aussitôt qu'ils ont commencé à jouer ensemble, c'est comme s'ils avaient joué ensemble toute leur vie. Tu sais, on pense à des duos comme, évidemment, comme Yari Curie et Wayne Gretzky, que ces deux-là, se trouvaient peu importe où est-ce qu'ils étaient sur la glace. Je pense à Paul Kariya, Timo Selanne. Évidemment, je veux pas mettre ça plus gros que c'est, là, parce qu'on parle de gros duo, mais de ce qu'on a vu à date, quand ces deux gars-là sont sur la glace ensemble, quand Alex Galchenyuk et Alex Radulov sont ensemble sur la glace, on dirait qu'ils ont cette capacité-là à toujours savoir où est l'autre. Jerry, je t'avais-tu dit que cela, il y avait une grande gueule? T'es averti, tu le vois, là. C'est bien correct. Puis, non, mais en fait, je suis pas mal d'accord avec ce que tu dis. Puis, écoute. Mais pourquoi Therrien, il aimait pas ensemble? Tu sais, moi, je le vois, toi, tu le vois. Un des highlights de la pré-saison, c'était justement une superbe séquence. La passe de Galchenyuk à Radulov, ses genoux qui refait la passe pour aller, après ça, tirer ça top net au-dessus de l'épaule du gardien de but. C'était magique, là. Pourquoi t'aimais pas ensemble? Puis moi, je le sais, ben, c'est quoi la réponse? C'est que défensivement, Therrien est inquiet. Bah, c'est sûrement ça. Puis en même temps, lui, il est déjà à vouloir équilibrer ses trios. Hein. Fait que si il met toutes les forces ensemble, mais il affaiblit un autre trio, fait que. Mais non, pour vrai, je suis totalement d'accord. Je trouve que le duo Gadget. Ben, en fait, je suis pas mal sûr qu'on va finir par le voir, là, parce qu'à un moment donné, ça va juste débloquer. Mais pour ce qui est de la saison du Canadien en tant que tel, j'aime ce que je vois, mais tu sais comment je suis positif, je suis l'optimiste de la gang, je me dis que les Canadiens vont avoir une bonne saison. C'est ce qu'ils ont eu l'année passée aussi, un espèce de bon début de saison, puis on connaît la suite. Fait que c'est pour ça que je me garde une gêne aussi sur ça. Mais non, c'est j'aime ça, puis... Pour ce qui est de Radulov, en général, là, c'est son acharnement au travail. Tu sais, je veux dire, il y a pas tant de points au tableau. Il y a un but, une passe là, sur 5 matchs. Mais il fait la job. Il est tout le temps après chercher à rondelle. Il court après. J'aime ce que je vois. Puis, tu sais, comme tu disais, un coup de dé, c'est probablement le meilleur coup de dé, justement, parce que le gars voulait revenir. De ce qu'on a entendu, le gars voulait venir à Montréal. Tu sais, c'est pas Semin qui cherchait un job, on s'entend, là, pour le coup de dé de l'année passée. Oui, tu sais, Semin, c'est parce que Semin aussi, tu sais, on va s'entendre, là, tu sais, c'était quasiment rendu un œuvre de charité, là, tu sais, c'était qui veut me prendre, tu sais, quand tu payes un gars qui a été un marqueur de 35 buts par année, que là, il est rendu, que tu lui donnes un salaire d'un million par année, c'est pas un gros gamble, tandis que Radulov, le gamble était plus gros, c'était juste un an, oui, mais tu vois qu'il y a plusieurs équipes dans le derby, puis plusieurs équipes qui étaient prêtes à lui allonger quand même 5 gros millions. Là. Ouais, ça c'est sûr, mais en même temps, tu sais, oui, le gamble, il est gros, sauf que le gars performait année après année, je sais que c'est la KHL, puis c'est vraiment pas le même niveau de jeu, là, mais il performait, c'était un des meilleurs joueurs de la KHL, puis... Mais ça, t'as aucune garantie de comment ça va se transposer dans la Ligue nationale. Ça, c'est sûr. Mais, écoute, tu sais, comme on a souvent fait les comparaisons, là, Radulov aime pas perdre. Il a joué pour Patrick Roy dans le junior, puis on dit qu'il a à peu près le même tempérament que lui. Ce gars-là veut tout faire, genre. Puis, tu sais, c'est comme. Ça, c'est une genre de parenthèse dans ce qu'on parle, là. tu sais, il y a du monde qui disent que il y a déjà 14 minutes de punition, tu sais, il cherche le trou et tout. Non, le gars travaille, c'est sûr que le gars, s'il est tout le temps après la rondelle, s'il essaie d'enlever la rondelle à quelqu'un, il va aller chercher les pénalités à un moment donné. Ça vient avec, le selon moi. Là. Oui, puis tu sais, des pénalités de hargne, tu sais. Ben, c'est ça. C'est différent qu'une pénalité parce que t'es lâche puis tu prends une pénalité parce que tu veux pas faire le extra step en zone offensive. Allô, Thomas Plekanec. Tu sais, on va en parler. C'est pas la même chose, là, tu sais. Non, c'est ça, ben c'est plus acceptable. Ben, c'est exactement ça. C'est plus facilement pardonnable. Mais reste qu'à son salaire à 5,75, il y a juste 2 points en 5 matchs, là. Moi, je te l'ai dit, Jerry, avant le début de la saison, en bas d'une soixantaine de points, c'est une déception. Au salaire qu'il a, c'est une déception. On est loin de la bonne cadence. Et moi, l'impression que j'ai, c'est que c'est vraiment son compagnon au centre, le problème. Parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Radulov a 2 points jusqu'à maintenant, un but, une passe, et les deux, ce n'est pas avec Plekanec au centre. Il n'y a aucun point entre Plekanec et Radulov. Aucun. Ça, ils ne fitent pas ensemble. Ils ne fitent pas. Mais zéro pin bar. Mais tantôt, tu me disais, t'es rien, le but, c'est d'équilibrer les trios. Là, ils ne les équilibrent pas. Ils en shot dans un. Mais en fait, c'est que t'es quand même limité dans tes options. Puis je peux pas croire que je vais quasiment défendre Michel Therrien, là, mais tu vas-tu mettre tes deux boudeux ensemble? Ben oui, qui boutent d'un coin puis le reste du club va avancer. Ouais, mais. Mais tu sais, si. OK, mettons là, tu dis les deux boudeux, c'est Plekanec puis Pacioretty. Tout à fait. Bon, OK, on a spoté les mêmes, c'est bon. Fait que là, mettons là, tu dis les deux boudeux, là. Est-ce que Pacioretty peut aller voir Therrien en disant, hey, moi, jouer avec Plekanec, ça me tente pas, il est pas assez bon. Tu peux-tu vraiment. Et vice versa. Non? Fait qu'il est où le problème? Mets-les les deux ensemble, puis on s'en fout du reste, mais un trio, Pacioretty, Plekanec, Gallagher, moi je suis bien down avec ça, puis avec un autre qui va être Lekkonen, Galchenyuk et Lekkonen ensemble, je suis down aussi. Tu mets Lekkonen deux fois ensemble sur la même ligne? Radulov, excuse, ouais. Non, mais tu vois, j'interchange de centre, mais je garde les lignes dans le fond, tel que avec les mêmes alliés là, ensemble, parce que il y a une chimie Lekkonen Radulov, il y a une chimie entre Gallagher Pacioretty. En fait, Gallagher allume Pacioretty parce que ça y en prend une bougie d'allumage, puis tu switches de centre. Ouais, ben en fait, moi là, pis c'est rare, je vais dire ça là, mais je mets pas de numéro sur mes trios en tant que tel, mais je réunirais encore Pacioretty avec Desharnais parce que honnêtement, je trouve ça plate. Ouais, mais faut que ça soit sa troisième. Desharnais peut pas jouer sur des premiers trios. Ça va être sa troisième, ça j'ai aucun trouble. Je m'en fous en fait. Là. Mais on va se dire, les deux jouent bien ensemble, les deux sont capables de se trouver. Je mettrais Galchenyuk, comme tu disais, avec Radulov puis Lekkonen, parce que ça aussi, je trouve que c'est un fit. Lekkonen, à date, m'impressionne. Je trouve que sa place dans l'équipe, puis il l'a prouvé, puis il le prouve encore. Plekanec, on dirait que je ne sais juste pas où le mettre. Je sais pas avec qui le mettre. Tu pourrais te mettre Gallagher avec, justement, parce que c'est une bougie d'allumage, mais. En fait, moi, je l'avais dit en un autre jersey. Mais ça va-tu arriver? Je pense pas. Ouais. Parce qu'il y a encore 2 ans de contrat. On vient de renouveler, hein? Vous savez, ouais, ça, mais il était changeable pareil. Il était changeable pareil. Vous vous souvenez que Bergevin, il l'aime, puis il a donné 2 ans à 7 millions? Vous vous souvenez de ça? Ben, c'est ça. Oui, ça, t'as tout à fait raison, mais en fait, justement, et je suis d'accord avec Jerry, si on donne le choix à Max Pacioretty de choisir son joueur de centre, je crois qu'il va choisir David Desharnais. Tout simplement parce que David Desharnais, quand il est avec Max Pacioretty, il va le chercher, puis Pacioretty va tout le temps avoir la rondelle dans la slot. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tandis que Galchenyuk, ben, il prend ses shots aussi. T'sais, donc, ça l'enlève des options de marquer à Pacioretty, en parenthèse. Là. T'sais, quand je dis enlever des options. Là. Mais, donc, moi, je suis convaincu. Et ce qu'il faudrait justement, et c'est là que je crois que c'est au niveau comportemental que je pense, parce que Thomas Plekanec, si il est employé dans la bonne chaise, c'est-à-dire que tu lui donnes les grosses missions défensives, parce que c'est ça sa force. On va oublier ses points à Plekanec et tout, là. La force de Thomas Plekanec, c'est les missions défensives. Ouais, la job de chambre numéro 3, dans le fond. Hein? Ben oui, puis encore là, on va se dire les vraies choses. Ligne 1, 2, 3, t'en as, t'as pas vraiment de numéro, puis de toute façon, Michel Therrien roule ses trios à peu près de la même façon. Il y a juste des gars qui ont du Danan en avantage puis en désavantage, mais sinon, le temps de glace est quand même assez similaire. Là. T'sais, entre la première et la quatrième ligne, on parle d'un 2-3 minutes de différence par match, sans tenir compte des avantages numériques. Donc, Plekanec, on lui rendrait service, justement, parce qu'on dit toujours « Ah, ouais, mais tu sais, Plekanec se présente pas en série parce qu'il est fatigué quand il arrive là. » OK, fine. On va te mettre dans la bonne chaise. On va te faire jouer avec Shaw, puis on va te faire jouer sur la troisième ligne, puis vous allez vous occuper des missions défensives. Avec vous Shaw et Barrett. Vous allez être capable d'avoir du punch. Oui. Ouais, okay. C'est quand même une ligne qui est capable de marquer quelques buts. OK, mais là, ce que ça fait, c'est que, mettons, on fait le changement. Là. Radulov, Lekkonen, c'est la première avec Galchenyuk. Tu deviens Pacioretty, Desharnais et Gallagher, c'est la deuxième. C'est petit, là. Ben, ça a été ton premier trio pendant 2 ans. Ouais, mais ça fonctionnait pas non plus tout le long pendant 2 ans, là. On se souvient juste des bonnes passes, mais Desharnais, l'an passé, ne produisait pas même avec Pacioretty. Totalement. Ça, je te le donne en mille. Et même, là, 2 ans. Tu sais, je me fais traiter souvent de hater quand je parle de la saison de il y a 2 ans. Que la saison de rêve de il y a 2 ans, quand Montréal a fini premier et tout, puis que moi, j'arrêtais pas de dire aux gens, faut pas se leurrer, là. C'est Carey Price. C'est Carey Price qui t'amène là. Et encore aujourd'hui, c'est Carey Price. T'sais, le Canadien va aller aussi loin que Carey Price va les apporter. Est-ce qu'ils ont plus de munitions qu'il y a 2 ans? Oui. Mais tu sais, la situation n'a pas tant changé d'il y a 2 ans. T'sais, si ça marchait il y a 2 ans, ça marcherait encore cette année. Sauf que il y aurait un deuxième puis un troisième trio à être checké aussi. Chose qu'il n'y avait pas dans le temps. Ce qui change la donne aussi. Ah, c'est sûr. Ça, c'est sûr, mais je trouve qu'on est quand même meilleur que il y a 2 ans. Hein. Personnellement, il y a beaucoup plus de caractère dans l'équipe, juste avec l'ajout de Shea Weber, Radulov. Ah, tu sais, ah, il y a des jeunes. C'est ce que j'ai dit aussi, là. C'est ce que j'ai dit aussi. On a beaucoup plus... tu sais, Montréal a beaucoup plus de profondeur, a plus de talent, mais il faut pas se leurrer. Et c'est pas péjoratif, là. C'est vraiment... Non, non, le Canadien va se rendre aussi loin que Carey Price va les apporter. Moi, ah, je suis totalement d'accord avec toi. Je trouve que le leadership, ça a le dos large. Moi, je suis un gars de talent. Je veux du talent, puis le talent va finir toujours par produire puis refaire surface, comme la crème dans du lait. Le leadership, c'est trop intangible pour que tu mises là-dessus comme étant une donnée qui va te permettre de gagner ou non. Comme j'ai déjà mentionné, Shea Weber a déjà été dans des clubs qui ne gagnaient pas. À Nashville, c'est arrivé sans le gardien de but, puis Carine qui était blessé. Ils ont fini dans la cave. Même s'il y a tout le leadership du monde, le talent prime toujours. Fait que moi, j'ai bien de la misère avec cette notion-là de dire « Ah, avec Shea Weber, tout le monde s'améliore, puis là, ben, on fait ça avec Sergachev. Ah, il va apprendre de Shea Weber. Beaulieu, il va apprendre de Shea Weber. » Voyons, là, tu sais, c'est... À un moment donné, là, Weber, il fait ses affaires aussi, puis il n'est pas une garderie. Là. C'est sûr que c'est pas une garderie, sauf que c'est un gars qui a du vécu, puis je suis d'accord que ce gars-là, c'est tout un professionnel. C'est un gars qui a... Lui, il va... La grosse différence entre lui et Piqué, c'est que Piqué, il allait jouer au hockey. Chez Weber, il va gagner sa vie. Tu sais, lui, c'est sérieux. C'est pas puis tu sais, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de fun à jouer au hockey, sauf que le fun passe en deuxième. T'sais, lui, il veut gagner. Puis, donc, je pense que c'est le meilleur professeur pour faire de Nathan Beaulieu un bon un défenseur top 4, exactement, un pro. Et c'est sûr que l'apport d'un chez Weber, t'sais, c'est vrai que c'est dur à mesurer, mais juste pour le fait que t'sais, tu sais que ton gardien, tu as eu des problèmes, il s'est fait rentrer dedans souvent, des problèmes de genoux. Chez Weber, il claire ça un devant de net. Non, c'est sûr que tu t'en vas faire Carey Price. C'est ça. Donc ça fait tout de suite là une grosse différence. Mais oui, l'aspect du leadership, je suis d'accord avec toi, JB, c'est pas toujours tangible, mais il y a des gars comme ça que, tu sais, c'est pas toujours des ra-ra-ra-ra-ra puis qui jasent, mais tu sais, c'est leading by example. Et c'est pour ça qu'à l'époque, tu te rappelles, JB, on en avait déjà parlé, quand on avait nommé Max Pacioretty comme capitaine, moi, mon choix, c'était Brendan Gallagher, parce que c'est lui qui lead by example, c'est lui qui montre l'exemple, puis suivez-moi. Là-dessus, on est tout à fait d'accord. Mais le Canadien de Montréal, fouille-moi. Je la comprends toujours pas, cette nomination-là. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui a une explication quelque part, là, mais je la comprends vraiment pas. Mais en fait, c'est que ça a l'air. La version officielle dit que c'est les joueurs qui ont choisi Max Pacioretty. Yeah, right. Mais, écoute. Tu sais, amène-moi pas sur ce terrain-là. Tu sais que là, je me retiens, là. Mais non, mais je te veux, toi. Non, je veux 100% slide, là. Je veux pas une version édulcorée, là. Non, mais tu sais, écoute, c'est sûr. T'as le droit de péter ta coche puis chialer, là. C'est sûr que si tu m'amènes sur ce terrain-là, je te dirais pas que Max Pacioretty est le pire capitaine de l'histoire du Canadien. Bon, on a fait le décompte sur un précédent show, puis s'il est pas le pire, il est dans le top 3. Mais tu sais, avec. Je suis assez d'accord avec ça. Avec le vécu qu'il a, une saison de marde comme capitaine, mettons que son règne arrêtait à la fin de la dernière saison, ben, c'est plate, mais oui, il était dans le top 3 d'EP, parce que les deux autres, c'était des années 20-30, puis on se rappelait pas de qui il était, fait qu'on pouvait pas vraiment juger. Mais, tu sais, l'histoire du Canadien est tellement glorieuse que, oui, Max Pacioretty, à l'heure où est-ce qu'on se parle, ben, c'est pas au niveau, tu sais. C'est sûr, mais tu sais, on peut pas juger. Tu sais, c'est pareil comme si on mettait Mike Keane là-dedans, que Mike Keane a été capitaine à peu près 6 mois. Tu sais, oui, il a été capitaine du Canadien, mais on peut pas le mettre dans un décompte. Donc, c'est un peu la même chose. Faut un échantillon. Tu sais, selon moi, avec un échantillon de moins de 3 saisons minimum, tu peux pas vraiment avoir un bon échantillon pour juger du règne d'un capitaine. Non, ça, on va le voir cette année, je pense. Si... Ben, c'est ça. Déjà là, cette année, on va en avoir, mais de ce qu'on voit à date, il n'a pas vraiment l'air plus crinqué. Il a été crinqué. Une game. Ouais, puis encore, ouais. Tu sais, après que M. Demers y ait donné le flambeau, là, tu voyais que c'est comme si là, il est. Tu sais, justement, que. Il s'était ramassé avec le flambeau dans le postérieur, là, parce qu'il y avait le fou au cul, cette game-là. Puis, tu sais. Ça y prend quoi? Il faudrait qu'il se sente en danger. Puis il est pas en danger, c'est le gauche numéro 1. Il est zéro en danger. Il va être en danger la journée où est-ce que Emeline va sauter un match. On va se le dire, là. C'est ça que ça va prendre. Pourquoi Emeline? Parce que c'est clairement le défenseur le moins bon du Canadien de Montréal. Mais parce qu'il est à 4 millions par saison, on le garde sur le line-up et Greg Patterson fait les frais quand Sergachev est inséré. Je préférerais de loin qu'on nous présente un duo Patrin-Sergachev dans un match que Sergachev-Emeline. Ouais, Emeline est atroce en défensive. C'est la pire combinaison que tu peux avoir pour donner confiance à un kid dans ses premiers coups de patin dans la Ligue nationale. C'est la pire affaire que tu peux faire. Puis c'est ce que Thérien fait quand même. Ben, c'est sûr que tu ne rends pas service aux jeunes. Là. Ben ça, non. C'est sûr et certain. Puis là, ben, moi, j'ai entendu mon Gaston préféré dire « Ouais, mais là, il coûte des buts. Ouais, mais check les stats du Canadien de Montréal. Sergachev, il est quand même à +1, là. » Oh oui, ben c'est exactement ça. Pis, c'est pas si affreux que ça, là. Plekanec est à moins 1. Oui, c'est ça. Plekanec, c'est sa force, la défensive, puis il est à moins 1. Sergachev est à plus 1. Il doit pas être si grave que ça, là, l'effet Sergachev dans l'alignement. Là. Non, non, ça, je suis d'accord avec toi à 150%, mais par contre, juste pour revenir sur ce que tu disais sur Max Pacioretty, puis qu'il faut qu'il sente en danger, ça, je suis pas d'accord avec vous autres, parce qu'on l'a vu, et c'est ce qui me fait dire que ce gars-là n'est pas digne d'être le capitaine de la plus grande franchise du hockey. C'est-à-dire que si on prend juste l'exemple de quand il s'est fait ramasser par Tortorella, je défendrai pas John Tortorella. Mais il n'a pas répondu à l'appel. C'est assez jambon, mais c'est exactement ça. Un gars qui a de la fierté, il aurait dit, ouais, m'a te le montré ce que je suis capable de faire. Puis tu y aurais sorti une ou deux grosses games de suite après. Chose que Max Pacioretty n'a pas fait. Je pense que Max Pacioretty, c'est le gars qu'il faut que tu dorlotes. Puis tu sais, c'est comme, ben non, t'es beau, t'es fin, t'es capable, puis il faut que tu le flattes dans le sens du poil. Je pense que c'est ça, Max Pacioretty. Mais Terrien, peux-tu le flatter plus que ça? Parce que là, il est sur la première ligne avec le meilleur centre, avec son meilleur gars d'énergie en Gallagher. Il est sur la première vague d'unité de power play. Man, à un moment donné, là, qu'est-ce que tu veux donner plus à un gars? Il peut pas le flatter plus que ça. Il est irrité, il peut là. Pas le flatter plus que ça, là. Oui, oui, c'est ça. Ben, en fait, c'est peut-être ça. Peut-être qu'il flatte trop, puis qu'il est irrité, puis que les épaulettes, ils font mal, puis, tu sais. Mais, en fait... En même temps, on voit Terrien avec son haleine de tabac qui te flatte. Je sais pas, hein. Je sais à quel point c'est hot. Je sais pas, là. Oh mon Dieu, une chance, c'est une coupe d'heure que j'ai soupé parce que. Ouf! C'était rough comme image. Ouais, non, j'y étais fort un peu. Son haleine de cendrier pleine du morier, là, ouf! Mais je cherche là-dessus, bon appétit à nos auditeurs qui mangeraient un sandwich pendant le podcast. Mais je cherche vraiment qu'est-ce que ça va prendre de plus. Pour qu'il fonctionne. Tu sais, ramener Jacques Demers. Il va crever entre deux périodes d'un match, mais ça va donner de l'émotion à Pacioretty. C'est ça que ça prend. C'est dark, ça. Mais non, mais. Ouais. Mais ça prend quoi? Ouais. Je sais pas, là. J'essaie d'être inventif un peu, là. Mais tu sais, moi, je pense que Max Pacioretty serait le genre de joueur parfait, là, tu sais, pour aller jouer. En Arizona, en Floride. Tu sais, une place, c'est que tu ne fais pas écœurer par les journalistes. Il n'y a pas de pression. Il aime ça, le hockey. Il parle pas de lui. Il aime ça vraiment, la game de hockey, ou est-ce qu'il est là par dépit? Parce que, tu sais, je connais une personne qui, ça va l'air vraiment niaiseux comme parallèle, là, mais qui est médecin, mais parce qu'elle était capable de le faire et qu'elle était bonne. Mais c'est pas ça qu'elle voulait faire, la personne. Là. Non, je comprends ce que tu veux dire. Pacioretty est-il là parce que, ben écoute, il était bon pour la mettre dedans? Écoute, c'est sûr et certain. Mais tu sais, ce que je trouve le plus drôle, c'est que si on se rappelle de son parcours à Max Pacioretty, tu sais, dans ses premières années, il s'est fait renvoyer dans la AHL. Il avait demandé même. C'était pas pour jouer sur les deux premiers trios. Puis c'est la dernière fois, je pense, qu'il y a eu du guts. En tant que membre de l'organisation du Canadien. C'est exactement là où est-ce que je m'en allais. Puis après ça, ils ont voulu y faire un call-up. Puis il n'a pas voulu parce qu'il se disait, tu sais, juste pour une coupe de game, ça ne marchera pas. Mais tu sais, fait qu'il était resté en bas. Mais c'est justement, c'est un gars qui a quand même eu à. Tu sais, il n'a pas eu un parcours nécessairement facile. Il a quand même fallu qu'il se batte pour. Faire sa place, mais on dirait que maintenant qu'il a sa place, je sais pas, c'est comme s'il avait tout atteint. Tu sais, je sais pas, tu sais, est-ce que pour lui, gagner une Coupe Stanley en tant que capitaine du Canadien, est-ce que ça a une valeur pour lui? Je sais pas. Mais j'espère. Mais tu sais, si ça en a vraiment, ça devrait être la seule raison pour laquelle que tu te présentes à l'aréna puis tu te défonces. Je sais pas si vous avez vu, il y a un article qui est sorti aujourd'hui Stéphane Waite s'est fait interviewer puis il parlait de Carey Price. Carey Price, ça y fait mal à chaque année quand il se fait éliminer. Il ne regarde pas la selon Stéphane Waite, il ne regarde pas les finales de la Coupe cette année parce que ça le tue en dedans de voir quelqu'un d'autre gagner le trophée qu'il veut. Toi, ça, pour moi, là, ça, c'est un vrai. Bon, ben, en même temps, il n'y avait pas de doute que Carey Price était un vrai. C'est clair, mais t'sais, c'est juste pour te montrer à quel point c'en est un. OK. Faisons le décompte, là. Ceux qu'on sait qui ont la rage au cœur, ceux qu'on doute qu'ils l'ont pas ou qu'on sait qu'ils l'ont pas. Puis que ça, tu sais, que ça leur fait mal d'avoir un autre club gagné, là. Moi, je pense que Gallagher, ça y fait mal. Je pense que Radulov, ça y fait mal. Shaw, ça y fait mal. Oui. Weber, ça doit y faire mal. Oui. C'est pas mal, ça. De ceux que je sais pertinemment, là, qui ont cette rage au cœur-là pour la victoire, il y a ces gars-là. Ceux que j'ai peut-être un doute que c'est le cas, Galchenyuk, Lekkonen, Beaulieu, Petrie? Ouais. Sinon, tu sais, après ça, le reste, pas que c'est un Ben Wagon, là, mais tu sais, pour de la hargne, ce qui est encore plus que du leadership, dans ma tête à moi, il y a le talent, la hargne, puis après ça, le leadership dans l'équation. On est là, là. Puis j'ai pas nommé Pacioretty dans les deux premiers steps, là. Non, ça c'est sûr. J'ai pas nommé Plekanec non plus. Non, c'est ça. Et tu sais, techniquement, c'est censé être tes deux leaders. Là. Je dis bien, c'est censé ou être deux de tes leaders. Là. Évidemment, là, avec chez Weber, on oublie ça, tu sais, mais. C'est probablement là la base du problème, tu sais. Et je sais pas comment ces gars-là peuvent retourner dans le vestiaire puis être capable de regarder Brendan Gallagher dans les yeux, tu sais, que ce gars-là il passe ses... Hey, écoute, il y a des matins que Brendan Gallagher doit se demander s'il n'a pas 72 ans. Ah, il est magané déjà, lui, c'est clair. Hey, ça, écoute, il doit avoir un mal partout. Hey, les coups de Sherwood qui mangent, ben là, c'est plus des Sherwood, mais whatever. Tu sais, c'est il en mange, là, puis il les mange tout avec le sourire d'en face. Comment, toi... Non, mais c'est vrai, c'est... Oui, le cheese à la pierre, là, tu sais, c'était... Ah, ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça, tu sais. Puis, comment tu peux aller t'asseoir dans le même vestiaire que ce gars-là, que toi... T'as la charpente que lui aurait toujours voulu avoir. T'as probablement les mains qu'il aurait toujours voulu avoir. Tu sais? Mais que toi, tu t'en sers pas, là, de ça, là. Tu sais, que lui, il est obligé d'aller se faire taper sa gueule pour que ça marche. Ça se peut-tu que dans une certaine mesure, c'est ce qui a fait que ces leaders-là de l'équipe, ça fonctionnait pas avec un Piqué Subban? Je sais pas si Piqué, ça y fait mal de voir les autres clubs gagner, mais je suis convaincu que ça y fait mal de pas être le meilleur sur la glace. Tout à fait. Et l'an dernier, dans un des épisodes de 24CH, moi, il y avait une déclaration de Piqué qui... Il y a bien des gens qui n'avaient pas aimé. Puis moi, j'aimais ça parce que je me suis dit, le gars, il est capable de relativiser. Le Canadien venait de perdre. On l'a vu, il était fâché après le match. Là. OK? Mais une couple d'heures plus tard, dans l'avion, ben, tu sais, il essayait de détendre l'atmosphère et tout. Puis, en entrevue à la caméra, il dit, regarde, il dit, perdre, j'haïs ça. C'est l'affaire que j'haïs le plus au monde. Il dit, mais tu sais, là, la game est jouée. Faut qu'on passe à la prochaine game. Puis, tu sais, en attendant, ben, je me promènerai pas avec la face longue pendant deux jours jusqu'au prochain match parce que je fais, tu sais, le sport que j'aime le plus, c'est ça qui est mon métier. Je gagne très bien ma vie. Je suis en pleine santé. Il dit, comment tu veux que je me promène avec la grosse face pendant tout le long? Il y a des gens qui n'avaient pas aimé cette déclaration-là. Moi, j'ai trouvé ça correct qu'un gars soit capable de relativiser ça. Ouais. Tout en disant, j'haïs ça, perdre. Mais c'est pas en ruminant ça pendant deux jours que ça va faire que la défaite va s'effacer ou qu'on va jouer mieux le prochain match. Mmh. Tourner la page le plus rapidement possible. Ouais. Ben, c'est exactement ça. Hey, on vous rappelle que le Canadien fiche de 4-0 et 1. On a-tu dit de quoi de positif? Pas, hein? On a-tu dit de quoi sur le Canadien positif jusqu'à date? Pas sûr! Ben, en fait, oui, là, on a parlé que l'avenue de Radulov était un bon coup pour l'instant. On n'a pas parlé de Al Montoya qui a tenu le fort pendant que Carey se soignait une vraie grippe d'homme. Est-ce que Mike Condon n'aurait pas été en mesure de faire la même chose pour moins cher, un 4 matchs? Hein? D'après moi, non. Je pense pas non plus. Je pense que Condon à Montréal s'était fait à mot couvert, on l'a, t'sais, il s'est fait blâmer quand même pour la saison dernière. Là, t'sais. Pis c'était tellement pas de sa faute en même temps. Ouais, il faisait la job parfaitement pour un gardien de but de boîte. Il avait de l'air compétent, mais il la laissait passer. Non, c'est sûr, mais l'équipe au complet l'année passée était dégueulasse. Tout le monde jouait. Ben oui, en fait, c'est juste qu'on leur. Moi, ma théorie reste toujours la même. Et je reviens toujours à Carey Price. Quand tu as Carey Price dans les buts, tu peux te permettre de accorder 33 lancers. Toi, t'en fais seulement 15, ça paraîtra pas, tu vas gagner 2-1. Tandis que avec un gardien qui n'est pas Carey Price, le même match, ben Carey te sort pas tes gros arrêts. Fait qu'au lieu que tu gagnes 2-1, tu perds 4-2. Ouais, puis là, tu joues ses talons, t'es pas capable d'aligner les autres joueurs. Puis... Ouais, c'est... Mais tu le vois, de toute façon, juste en début de les matchs que Carey Price a joué, là. Ça paraît, on dirait que le jeu est pas pareil en avant, ça s'essaye plus, les défenseurs montent plus. Tu changes l'équipe. Tu sais, toi en tant qu'amateur, là, t'es dans le salon chez vous, là, tu vois un joueur s'en aller en échapper. Là. Est-ce que t'as vraiment peur qu'il va se faire scorer? Jamais. Non. Moi, je vois n'importe qui s'en venir, puis je me dis, Carey va l'arrêter. Ah, c'est sûr, il peut se faire passer, mais c'est sûr que t'as pas le stress d'un. T'as pas le même stress que quand c'était Mike Condon ou Al Montoya dans les nets, là. Ben, c'est exactement ça. Fait que les gars se disent la même chose aussi, là. Ah, c'est sûr. C'est obligatoire. Si nous autres, dans notre salon, on se dit ça, les joueurs sur la glace, ils savent, ben, eux autres aussi. Hey, je peux peut-être tricher un petit peu, Carey, là. Ben oui, c'est clair. Ça joue sa confiance, c'est sûr, sûr, sûr. Ben, c'est exactement ça. Tu sais, c'est un peu comme si t'es chaudasse dans un bar puis que t'es avec le plus grand puis le plus gros gars de la place, tu vas être pas mal plus baveux avec le restant du bar que si ton ami fait 4 pieds 2 puis paye 118 livres, tu sais. J'avoue. C'est une belle image. Ouais, ben c'est ça. Hey, j'ai fait une constatation, moi, cette semaine. Je regardais l'affiche du Canadien de Montréal l'an passé. Tu sais, on parle d'une saison de misère. Tout le monde a pesté contre cette saison-là. Puis, je regardais Sergachev jouer, puis je me disais, ah, on aurait peut-être pu en voir mieux, hein? Je regardais la fin de saison et les 10 derniers matchs, le Canadien de Montréal a une fiche de 5 victoires, 5 défaites. Ça a fini à 82 points. À 72, on s'assurait de repêcher 3e ou 4e. Ouais. Et d'avoir des probabilités pas mal plus élevées pour aller chercher un Matthews, un Lainé, un Puljujärvi, un name it, là, un Dubois, whatever. La question que j'ai lancée, c'est... Okay. Je le sais que pour les joueurs, tu peux pas lui demander de perdre. Je sais que tu peux pas demander au coach de perdre. Par contre, la job d'un DG, c'est de maximiser ce genre de séquence-là négative, une saison de merde, t'essaies de la maximiser. Et donc, la question que je pose, c'est... Est-ce qu'on préfère un duo Markov-Emelin ou Matthews, l'aîné, avec Patrin et Barberio comme 5e et 6e défenseur? Ben, tu sais, poser la question, c'est un peu y répondre, en toute honnêteté, là. C'est sûr et certain, mais tu sais, on est dans la grosse, grosse hypothèse, mais en toute honnêteté, même si Montréal draft 3e, OK? Je suis convaincu que Montréal fait la même gaffe que Columbus et draft Dubois. Parce que c'est un Québécois et ça aurait été le mauvais choix. Ben, tout à fait. Parce que t'sais, on s'est amusé avec Jerry en commentaire sur Facebook que Jerry ne croit pas en Matthews. Ben, en fait, pas qu'il n'y croit pas, mais qu'il ne voit pas comme un generational player. C'est correct de croire ça aussi, là? Oui, tout à fait. Ben moi, j'ai ce feeling. Ben, évidemment, on parle pas d'un generational player pour Dubois, mais Dubois, selon moi, ça va être un gros boss. De ce que j'ai vu, Junior, je l'ai vu, écoute, je dois avoir vu télé et live une douzaine de games. Là. C'est un échantillon quand même correct là, ouais, sur, ouais, deux quand même. T'sais, sur deux ans. Il m'a jamais. Moi, je me vérifie tout le temps les gars qui explosent l'année du draft. Oui, puis ce gars-là. Ouais, puis tu sais, ce gars-là, c'est quand ça va bien, ça va bien. Quand ça va pas bien, cherche-les pas. Hey, ça me rappelle quelqu'un, ça. Il y a pas quelqu'un qui a un 6.7 dans le dos. Pis c'est pas, j'ai aucune parle. Idée de quoi tu parles. Moi non plus. Moi, j'aurais préféré un Gauthier. Puis d'ailleurs, je crois qu'il va avoir une meilleure carrière vu l'équipe avec laquelle il est. Les Hurricanes sont sa meilleure voie que les Blue Jackets avec leurs prospects. Ça, ça fait une différence aussi. De l'environnement dans lequel tu atterris, ça fait une grosse différence. C'est sûr et certain. Moi, si on fait exception de ce que moi je considérais aurait dû être le tome 3, là, Matthews, Lenny et Paul Yarvey, à part de ces gars-là, moi, le gars que moi j'aurais drafté, peu importe si j'aurais choisi 5e, 6e, 7e, Logan Brown, pour moi, c'est un sure shot. Ah, oh, c'était un de mes choix, moi aussi. Hey, il était à Ottawa. Moi, je veux le voir jouer. Ouais. Moi, j'aimais bien Matthew Tkachuk aussi. Ouais. Puis, là, je cherche son nom, là. Celui de l'Avalanche? Tyson Yost. Exactement. Que ce gars-là, il a... Écoute, ça va être gros, ce que je vais dire, là. Mais de ce que j'ai vu de lui, là, il a du Joe Sakic dans le nez, ce gars-là. Probablement l'un des plus gros potentiels offensifs de ce draft-là avec Matthews. Vraiment, vraiment, vraiment. En tout cas, s'il se développe comme il faut, on va s'entendre que l'Avalanche ne sont pas dans chenoute avec leurs joueurs de centre. Là. Avec McKinnon, Duchesne et lui. Non, on est correct. Puis mettons qu'on a un trop, tu l'échanges puis tu as de quoi de bon en retour. Ben, tout à fait. C'est pour ça que le talent prime toujours. Même au draft. C'est un surplus, oui. Ça s'échange. Un manque, c'est un problème. Oui, puis honnêtement, moi, j'avais chialé la sélection de Sergachev, que je connaissais un petit peu moins parce que je voyais Brown et Yost dans ma soupe. Puis je me disais, il me semble que c'est ça que Montréal a besoin, sauf que Sergachev a été un excellent choix. Oui, oui, oui. Puis d'ailleurs, c'est la réponse de Michael Poulin sur mon Facebook qui disait ça. Que il me disait, donc tu considères le choix de Sergachev comme étant mauvais. Et moi, mais non, c'est pas ça du tout. Là. C'est qu'au troisième rang, tu prends pas Sergachev quand même. Là. Aussi bon soit-il, il n'y avait pas sa place au troisième rang comme pick. Là. Exactement. Exactement, ça je suis d'accord avec toi sur ce point-là. Je m'attendais à ce que Jerry, tu lèves un drapeau là-dessus, que je te parle non, de perdre. De perdre? Jerry, il est tranquille à soir. Ouais. Quand non, il y a un invité, c'est Jerry... Là... J'ai trop une grailleuse. Non, non, non, pas tout. C'est juste que on a déjà parlé, puis oui, ben ça, dans ta prémisse, tu l'as déjà dit que tu peux pas demander aux joueurs, tu peux demander au coach, puis c'est vrai d'un sens, puis... Tu sais, d'un sens, Bergevin, c'est un ancien joueur. Hein. Il a encore la mentalité d'un joueur, selon moi. Puis on le voit avec tous les contrats qu'il donne à des joueurs qui n'auraient aucun contrat en ce moment. Puis, c'est un bon père de famille. Il veut donner une job ouais, à quelqu'un. Ouais, ben c'est ça. Puis moi je sais que tu aimes ça, le tankage, que ça existe, que ça se fait. Mais personnellement, j'y crois pas à ça. Ce phénomène-là, c'est... Je suis d'accord, puis je comprends comment tu parles avec le fait que tu pourrais échanger Markov, tu pourrais échanger ici, tu pourrais échanger ça, tu sais, t'arranger pour avoir le moins bon effectif pour justement t'arranger pour perdre, mais je sais pas. Mais il donnait quoi ces 5 victoires-là de plus? Ils ont reçu ça dans l'équation, là? Je suis d'accord avec toi, mais ça reste quand même que c'est une loterie. Tu veux dire, honnêtement, on aurait peut-être perdu 5 matchs de suite, là, puis on aurait peut-être rien eu, tu sais. Tu regardes, mettons, le meilleur exemple, c'est quoi? C'est Vancouver qui était comme deuxième à la base, qui ont fini, finalement, ils ont repêché comme neuvième, ou je sais pas, non pas neuvième parce que c'est nous autres, ouais, mais... Ils ont fini cinquième. Ouais, c'est ça. Hey, ça paraît en tabarouette, là. Les trois premiers picks étaient pigés et tu pouvais reculer d'un rang par pic. Mettons que le Canadien finit troisième dans les derniers, le plus loin que tu peux repêcher, c'est sixième. Mais okay, tu mets les chances de ton bord aussi pour piger puis être en avant, là. Ah, c'est sûr, mais tu sais, comme Vancouver, ils voyaient probablement Patrick Laine dans leur club, finalement, ils le voient chez les voisins à Winnipeg, tu sais. Ah, c'est tes voisins loin, toi? Ouais, c'est loin, mais dire la voisin de chose. Mais des voisins canadiens, qui okay, ça se fait. En tout cas, j'aime pas la philosophie en tant que telle du tankage, puis de... Pour moi, ça se fait juste pas. Genre, t'arranger pour perdre, que tu sois joueur, coach ou DG, là... Ça se fait pas. T'es trop émotif. Le Canadien de Montréal, cet été, a embauché Kirk Muller. C'était quoi le but? Améliorer l'avantage numérique. Jusqu'à maintenant, le Canadien de Montréal, ça fonctionne pas tant que ça hein, pour l'avantage numérique. On est 20e à 14,3% de réussite. Heureusement, le désavantage numérique, lui, on est en très bonne position, au 8e rang, 92%. Kirk Muller... Était-ce une bonne chose? Puis Kay Subban était-il vraiment le problème sur l'avantage numérique? Alors que Nashville, eux, sont au premier rang à 47,4% de réussite à l'avantage numérique. Mais c'est pas tant Kay Subban, on s'entend. Là. Là-bas, il y a un Roman Yossi aussi. Parce que honnêtement, Kay Subban, à date, là, si tu compares ses stats... Puis en passant, vous pouvez le faire sur pikesubantracker.com. Vous pouvez aller sur ce site-là, Dre, là. Pikesubantracker. Dans le fond, là, c'est pas compliqué, là. Je veux dire, pikesuban, là, il y a deux matchs. Il y a cinq matchs de jouer, deux buts, trois passes, il est à moins quatre. C'est pas lui, là, qui change le powerplay, là, là-bas, là. Ils ont un meilleur club, selon moi, pour justement le côté powerplay. Ils sont beaucoup plus offensifs, je pense, une mentalité beaucoup plus offensive que le Canadien de Montréal. Mais en même temps, regarde, l'affiche de Nashville, 2-3. Bien beau que ton powerplay gagne, ton équipe gagne pas plus. Là. Selon moi. C'est sûr et certain, mais on va s'entendre justement. C'est un très petit échantillon. On va s'entendre. Ça me fait mal de dire ça en tant que fan des Oilers, mais tu sais, je suis pleinement conscient que les Oilers ne finiront pas dans les quatre premiers de la Ligue à la fin de l'année. Là. Si ça arrive, t'sais, tu pourrais être content. Pourquoi pas? Je vais être super heureux parce que il n'y a pas de Carey Price dans les filets. Ouais, c'est vrai qu'on a le first star of the week, là. Tu sais, mais écoute, c'est... Je trouve que l'échantillon est beaucoup trop petit. Ça m'énerve vraiment, ces espèces de comparaisons-là. Piqué Subban chez Weber. Je sais que le sujet a été barouetté d'un bord puis de l'autre. Puis la majorité des sites sportifs, ils sortent au moins un headline par jour là-dessus encore. Puis on presse le citron, nous autres aussi. Ah, oui, mais tu sais, à un moment donné, là, tu sais, on peut-tu se dire, hey, on comparera la fin de semaine du match des étoiles. Là. On va avoir un bon échantillon, là, il va y avoir 45 games de jouer. Là. C'est ça, la mi-saison, on va en reparler, mais non, je suis d'accord avec toi pour le mot Piqué Subban. Mais... Ah, je suis plus capable d'en entendre parler pour rire, mais à ce point-là. Là. Ben, je sais qu'on en parle. Piqué Subban, moi, c'est la comparaison. Ah oui, pourquoi non, on n'est pas capable rien. De. Tu sais, c'est deux joueurs complètement différents. Moi, j'en ai pas contre le trade hockey à court terme, absolument pas. Là. Le Canadien. A été chercher quelque chose qui avait besoin, justement, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, là, tu sais, pour éclairer le devant de ton net. Puis, tu sais, mais si tu me demandes, et même si j'ai toujours été un fan de Shea Weber, si tu me demandes qui est-ce que j'aime mieux voir jouer, ben je te dis Piqué Souban tout de suite, parce que tu sais, Piqué Souban a cette espèce de charisme, de talent, que aussitôt qu'il touche à la rondelle, tu te dis il va se passer de quoi. Bon ou mauvais, mais il va se passer de quoi. Tu sais, c'est le gars qui va te faire tenir sur le bout de ton siège. Ah, il est spectaculaire, là. C'est ça. Chez Weber, c'est la force tranquille. T'sais, il garde ça simple. Pis... Exactement. Je suis un fan de ce genre de... J'adore le hockey spectaculaire, mais moi, là, quand j'en vois un qui fait le mini-jeu bien simple, la petite passe à la bande juste pour que ça passe en l'entour d'un joueur pour que l'autre reparte avec, là, c'est... Je sais pas, je trouve que c'est comme ça que ça joue avec des petits coups de main pour gagner, c'est ça. Là. Ben c'est ça, en fait, t'as besoin de ces deux types de joueurs-là dans une équipe pour que ça fonctionne. Ça serait cool d'avoir Weber et Subban dans la même équipe. Ben ok, ça serait malade. Non, mais là, c'est justement, là, Piqué aurait pu prendre toutes les chances qu'il voulait, mais puis tu sais, là, on fabule, c'est évident, là, mais tu sais, Piqué aurait pu prendre toutes les chances qu'il voulait, on s'en fout, Weber est là. En principe, c'était la job de Markov de faire ça, de le backer, mais oui. En réalité, il était plus capable de le faire, donc ce qui était une force de Subban, il était obligé de la retenir, et ça devenait finalement une faiblesse. Ben, c'est exactement ça, tu sais, Markov, c'est bien dommage pour le gars, là, mais tu sais, quand tu le regardes là, depuis l'année dernière, surtout, là, on dirait qu'il patine dans le sable. Ça a l'air laborieux, là. C'est, oh, yeah. Il force, yeah. Puis il force, mais maudit que ça suit plus. Non, tu sais, non. La machine, elle suit plus, là. Ce gars-là, là, c'est son IQ hockey qu'il garde dans l'alignement, là, parce qu'il a une méchante belle vision, mais non, pour même les 5 premiers matchs, là, c'est le début de la saison. Là. Puis honnêtement, je me suis posé la question, il va-tu réussir à finir l'année pour vrai? Là, c'est... En tout cas, pour vrai, comme tu dis, il patine dans le sable, ça n'a pas de bon sens. Mais il fait quand même encore des bons petits jeux et tout, mais... Tu vois qu'il va peut-être pas devenir lâche, là, mais le meilleur exemple que j'ai, c'est quand que Boston a scoré en powerplay. Hein, que Markov s'est juste comme pitché à terre par rapport, puis la rondelle est passée. Puis au vrai, c'était mauvais, je comprends même pas c'est quoi le but d'avoir fait ça. Mais là, ça a rien fait. Ouais, c'est ouais. Ça. C'est un peu et triste. Et bizarrement, pendant qu'on est en train de parler de ça, en ce moment même, il vient d'avoir un but de chez Weber, assisté de Alex Radulov. Oh. En tout cas, je sais comme ça, ah ouais, mais fait... ça veut dire qu'il y a 6 points. Attends un peu, là. Wow. Radulov a un autre point, mais pas avec Plekanec. Ouais. Ces 3 points ne sont pas avec Plekanec. Je pense qu'on va faire un Plekanec-Radulov tracker. On va faire ça. Moi, j'en reviens pas. J'en reviens vraiment pas encore de cette combinaison. En tout cas, on a parlé tantôt, là, mais j'ai vraiment l'impression qu'on va éteindre complètement Radulov au profit d'un Plekanec qui veut peut-être juste pas être là, finalement. Honnêtement, moi, je pense que ça durera pas. Je suis convaincu que ça durera pas. Il faut pas. Il faut pas parce que c'est perdre du temps pour absolument rien. Ben, en fait, je veux pas péter ta ballonne, JB, mais Plekanec était sur la glace. Oui, mais il y a pas de... Il n'y a pas de point, il n'y a pas de participer, tu sais. Mais il était sur la glace. Hey! Mais, ça marche pareil, ce que je voulais dire. C'est drôle, toi? Je comprends. Je comprends parfaitement. Mais non, mais écoute, c'est. Ça vient sur mon show que ça essaie de me planter. Non, monsieur. Ouais, c'est ça. Non! C'est ça. Hey, juste une petite question quiz. Pendant qu'on parle de notre ami le col roulé, j'ai lu une statistique intéressante sur le beau Tomash. Oui. Que moi, j'ai toujours, tu sais, puis JB, tu le sais, là, c'est mon cheval de bataille. Là. Moi, j'ai toujours dit que, tu sais, Plekanec, je le prends dans mon club du 1er octobre jusqu'au 15 janvier. Puis là, tu le trades parce que tu sais qu'il ne te donnera plus rien le restant de l'année. Il t'a déjà donné 45 points. Ouais, voilà. Puis dans les 30 dernières games, il va t'en donner 12. C'est à peu près ça. Donc, le quiz. Mais donc, la question quiz, justement, après cette mise en situation. Oui. Le pire début de saison de Tomáš Plekanec après 10 matchs depuis sa fameuse saison, parce que ça n'avait pas marché avec Alex Kovalev, c'est donc les 6 ou 7 dernières saisons. Savez-vous combien de points qu'il avait fait à sa pire saison après 10 matchs? Après 10 matchs, écoute, j'ai aucune idée. Là. Tu connais ça par cœur, toi? 6 points, moi je vais rendre ça. C'était 13 points. Après 10 matchs, mauvais début de saison, 13 points. Ouais. Ils sont moins c'était bons. Son là. Pire début de saison. Donc, si on se rapporte ça à cette année, je vous en laisse tirer vos propres conclusions. Okay, je te vois venir. Oh, ouais. Ça okay. va être beau tantôt. Ah, c'est ça. Mais j'ai même pas de il n'y a pas son petit coup. Ben, il y a 3 points. Je pense. Ouais, c'est ça. C'est ouais. les deuxièmes pages, genre. Ouais. Pas avec Radulov. En plus. Puis il joue tout le temps avec, imagine. Je pense ouais. qu'il y a un dedans. Il s'aime mais moi, pas. Moi, je suis sûr qu'ils vont se pogner. Ils vont se pogner. Asti qu'ils vont se pogner. Ça, ah, ça serait mal, hein, d'une bataille entre les deux. Là. Dans, en Radulov va crisser un coup de bâton sur la gueule. Ça serait cool. Bon, mais tu sais, ça en est un, justement. Tu sais, combien de fois est-ce qu'il y a eu de la bisbille entre Plekanec et Subban? Ouais. On les a vus souvent là, se passer les gants d'en face, les petits coups de bâton. Je sais pas si vous avez vu aujourd'hui avec la visite des Flyers, Day-Louis était en ville, même s'il ne joue pas. Et on lui a posé la question, et la réponse de Day-Louis, c'est Piqué Subban, c'était un beau souffre de douleur, c'était la victime facile. Ben oui, c'était facile, et c'est clair. Ce sont les paroles de Day-Louis. Puis comme Day-Louis dit lui-même, il dit « Ok, je vais me faire accuser que je suis biaisé parce que c'est un de mes amis. » T'sais. Mais n'empêche que c'est pas le premier gars qui est parti de Montréal et qui dit lui-même là, que... Mais on soulevait, Jerry, dans des shows précédents, ben, dans les années passées, le fait que, tu sais, tu voyais jamais de photos de Patrick Betty avec les autres membres de l'équipe ou Plekanec, tu sais, dans des soupers, des affaires de même, jamais. C'était tout le temps Subban avec les kids, avec les jeunes de l'équipe qui, tu sais, je sais pas où est-ce que tout le monde prenne le fait que c'était pas un rassembleur, mais il me semble de ce que je... En tout cas, de l'impression qu'il donnait avec toutes les photos puis tous ces trucs sur Instagram puis les réseaux sociaux, j'avais vraiment l'impression que c'était le seul qui donnait une place aux kids dans l'organisation puis qu'il y avait un minimum d'intérêt à rassembler le groupe au lieu de le séparer. Oui, c'était lui puis Brandon Prost. C'était les deux que tu voyais que... T'sais, qui sortaient les jeunes, puis t'sais, qui voulaient, t'sais, c'était les deux rassembleurs avec les nouveaux arrivés, avec les recrues et tout. Mais ces deux gars-là sont fait échanger parce que c'était des mauvaises influences. Ouais. Il n'était pas assez beige. Non, c'est mais, oui, exact. C'est pile ça. J'ai une petite parenthèse sur justement l'affaire de Day-Louis. Je l'ai entendu parler justement à TV tantôt, à RDS. Et notre fameux ami Gaston Therrien. Ah ouais, rose-moi de Gaston. C'est super minime pour vrai. Parce que un de ses commentaires, c'est hey, on va-tu arrêter d'en parler de Subban? Ça, je trouve ça drôle. Oui, ça vient pas des médias, pas tout. Non, mais c'est ça. C'est, en tout cas, pour vrai, c'est juste ça, ma parenthèse. Puis je trouve ça juste vraiment lourd parce que je comprends pas. Hey, ils vont ça, en parler demain, puis après-demain. Oui, non, c'est ça. Hey, j'ai trouvé ça magique, puis je l'avais partagé sur ma page Facebook. Suivez-moi sur Facebook, j'ai bégonné. Le fait que, finalement, RDS rentre dans la game des réseaux sociaux et utilise les trucs de TVA Sport en disant « Le premier match de Carey Price à RDS. Oh. » Et pas à TVA Sport. C'est lourd. Ah, c'est tellement lourd. Hey, c'est quoi tu me disais avant le show, Sly, par rapport aux médias, justement? C'est quoi la bourde qui s'est passée que tu souvais? Donc, je regardais la Classique Héritage. et notre bon ami Yvon Pinault, que je veux leur rappeler, est un des décideurs de qui entre au temple de la renommée du hockey. Un gars qui connaît son hockey. Et qui a lui-même sa plaque au temple de la renommée du hockey. Donc, pendant la Classique Héritage, il y a eu une séquence de Ryan Nugent-Hopkins. Et notre bon Yvon, avec toute sa verve et avec sa bonne humeur et son entrée, le dentier lousse et tout, il nous annonce que Ryan Nugent-Hopkins a été préféré à Alex Galchenyuk à l'année de son repêchage. Trouver l'erreur. Il connaît son hockey, lui, hein? Ben oui! Oui, et il trouvait ça ironique que ce même RNH, c'est lui qui a enlevé le poste à Galchenyuk pour l'équipe des moins de 23 ans. Tout est connecté. Tout est connecté, voyons donc. Écoute, les oreilles me saignaient un peu. Là. Il a fait des erreurs. Mais tu sais, si seulement le gars, c'était pas comme. C'était son sideline d'être à la TV puis parler des activités du Canadien de Montréal, tu sais. Si seulement. Mais ouais, non. Mais tu sais, comme si nous autres, là, tu sais, en simple amateur, et vous autres qui avez un podcast, tu sais, vous pouvez quand même vous permettre de vous fourvoyer. Là. Mais. Ah, ça arrive à tout le monde. Tu fais ça professionnellement, puis tu sais, techniquement, là, écoute, puis là, JB, corrige-moi, mais tu sais, c'est toi le gars de métier, c'est toi le gars de radio, là. Mais tu sais, t'as toutes tes petites notes avant le match que tu sais. Que c'est toutes des choses que tu te prépares à l'avance. Donc, lui, techniquement, il est supposé avoir fait une recherche pour dire « Ah, ben quand on va venir sur Ryan Nugent-Hopkins, je vais parler de ça, qu'il s'est fait choisir à la Coupe du Monde avant Galchenyuk. » Et, comble de l'ironie, c'est lui qui avait été le premier choix la même année de repêchage. Mais ça marchait pas avec l'histoire qu'il voulait raconter, fait que... Il n'est pas fini, ouais, là. Ouais, c'est ça. C'est. Des médiophiles, il y en a tout le temps, en plus. Puis ça me fait rire, parce que... Je mets une autre parenthèse. Hey, j'aime ça, les parenthèses. Ça. Ah, ouais, gars. Justement, contre Boston, il y a eu un... Il y avait un 4 minutes. Oui! Ouais, c'est ça, un bon titre que je vais parler. Tu vois, ça a flashé tout le monde, tu sais. Il y a... C'était sur Torrey Mitchell qui s'était fait frapper dans la face avec un bâton assez violemment, honnêtement. Puis il y avait du sang, fait que... Oui, puis donc, logiquement, il y a eu 4 minutes pour bâton élevé. Mais sur la séquence, Torrey Mitchell compte, donc, annule le power play. Mais vu que c'est une double mineure, il en annule juste une. Et Renaud Lavoie à TVA, qui a de l'air tout surpris, « Ah, mais je comprends pas, il y a quand même une pénalité, mais il devrait pas en avoir une. » Non, Renaud, OK, on va t'expliquer quelque chose, là, parce que je suis sûr que tu nous écoutes. Quand tu comptes et qu'il y a 2 minutes, ça en annule un. Donc, vu qu'il y a une double mineure, il y en a une qui est enlevée et l'autre est accordée. Ah, hey, je suis même pas payé là, pour faire ça. Là. Ah ouais, t'es pas payé. Hey, je suis au courant. Là. Hey, je peux-tu en profiter pour envoyer un message à TVA Sport? Ben, OK. Ah, ouais. Je pense pas qu'il écoute, sinon ça ferait longtemps que les oreilles lucillaient. mes très chers amis de TVA Sport, sachez que moi aussi, je suis abonné au Twitter de Bob McKenzie. Donc, je pourrais faire la job de Renaud pour une fraction du prix. Renaud ton CV puis marque ça dessus pour vrai. Ouais. Je suis abonné au Twitter et... Pas juste celui-là, mais celui de Pierre Lebrun aussi. Oui, parce que t'es pas affilié à un réseau, fait que t'as le droit d'en... hey, ça me fait capoter. Renaud, en tout cas, on pourrait se gâter, là, mais t'sais, c'est ça. Mais... on fait un VS vite fait, là. Entre les bancs, là, qui c'est que t'aimes mieux, Renaud ou Denis, ou Marc Denis? Mais Marc Denis, là, pour vrai, là, on va dire les vraies choses, là, c'est un des... C'est un des meilleurs et j'ai quelques années de plus que vous autres. Peu importe la langue, ça fait... ouais. Moi, c'est un des bons. Et ça, c'en est un, justement, quand on disait un petit peu plus tôt, je crois que c'était hors l'onde, que tu donnes la chance à ton gars de grandir. Tu sais, Marc Denis, on lui donnait... Tu sais, on a commencé par lui donner les jobs. Tu sais, pendant les entraques, il faisait des... Il jasait un petit peu pour qu'il apprenne le métier. Puis, un coup qu'on l'a mis à sa place, ça y a pris quelques mois, tu sais, parce qu'il voulait parler un trop bon français, ça avait l'air un peu pincé. Mais Marc Denis, pour vulgariser cette game-là et pour te faire comprendre ce qui se passe sur la glace, il est franchement excellent. Mais ça, je trouve qu'on le dit pas assez. Je trouve que son travail n'est pas assez reconnu. On en parle souvent, nous, personnellement, mais c'est ça. Non, puis c'est Jeff Drouin qui est venu sur le dernier show qui disait ça. Puis il a tout à fait raison. Les gars qui sont les mieux placés, souvent pour avoir une job en dehors du hockey, mais relié au hockey, c'est souvent des gars qui étaient plus average, qui ont eu besoin d'étudier la game pour pouvoir percer jusque dans la Ligue nationale. Marc Denis a été un très, très bon gardien de but à ses bonnes années, mais il y avait un club de bouette. Fait qu'il n'y a pas le choix de justement compenser la faiblesse de son club en ayant des connaissances de plus sur les stratégies, les techniques des autres clubs pour se donner une chance. Puis ça paraît ça dans sa façon de voir le hockey puis de réussir à le... tu sais, veux pas en tant que gardien de but, là, tout se passe en avant de toi. Fait que oui, ça puis donne ce que un tu angle. Dis là s'applique aussi à Joël Bouchard qui était excellent. Malheureusement, Joël Bouchard... Malheureusement, Joël Bouchard, c'est un front. C'est plate, là, mais il est bon quand la caméra est allumée. Fort probablement, mais dans le fond, quand c'est ta job, si t'es bon quand Kodak est là, c'est déjà mieux que 80% de ceux qui ont une job là. Oh, il y a beaucoup d'égo, puis lui, heureusement, il y avait... Mais en tout cas, j'ai de la misère à sympathiser avec l'individu. Mais ça, c'est moi, les êtres humains exécrables, j'ai de la misère à lui donner des chances. Non, ça, je comprends, là, mais tu sais, moi, je parle aucunement de l'être humain. Je parlais seulement de l'analyste qui faisait un bon travail à l'époque. Marc Denis aussi. Et justement, Joël Bouchard, c'était un gars que lui aussi l'a eu à la dure. Que tu sais, c'était pas un top player, puis rien, puis il a fallu qu'il apprenne cette game-là. Mais Marc Denis, il est excellent dans qu'est-ce qu'il fait. Encore là, mes amis de TVA Sports, si Patrick Lalime pouvait écouter un peu Marc Denis, ça l'aiderait fort probablement, parce que Buddy, on s'en fout que tu aies déjà joué à la game des étoiles pendant 18 minutes et 32 secondes, puis que tu as eu le record du plus de victoires en ligne pour un nouveau goaler. Tu as eu quand même une carrière assez exécrable et ta carrière de commentateur n'est pas nécessairement mieux. Mais il y a Brad Burgi qui recense toujours les bons, même bons vieux souvenirs. Fait que c'est correct. Burgi avec Peter, Anton, Dale. Oh mon Dieu. Mais tu sais, tout le monde le sait, là. C'est l'opinion de Burgi que le monde veut. Oui, c'est pas celle de lui. C'est ce qu'on a appris cette semaine. Oui, c'est ça. C'est avec toute la grande classe. Ouais, c'est là-dessus qu'on va clore le show. Juste vous mentionner que au courant de la semaine, le Canadien de Montréal va affronter mercredi les Islanders. Ça va être à New York. Ensuite, jeudi, le Lightning. Et c'est à Montréal. Et après ça, samedi, le 29, les Maple Leafs de Toronto. Donc ça va être des excellents matchs. Ça fait une grosse semaine pour le Canadien de Montréal, sans parler du match qui a lieu au moment de l'enregistrement en ce lundi 24 octobre. Nous, dans le cadre de la POC, on vous revient dans deux semaines pour un autre show. On risque d'être en solo, en duo, dans les yeux, moi et Jerry. Mais d'ici là, si vous avez le goût de discuter avec nous, de nous suivre sur les réseaux sociaux, je vous invite à nous follower sur Twitter, @lapocpodcast. C'est notre nouveau nom. Tous ceux qui étaient abonnés à Hors-jeu, ça a tout été transféré. Même chose pour ceux qui nous écoutent via les podcasts. Tout a été fait automatiquement. Tout ce qui était de renommer, de transférer, tout a été fait automatiquement. Mais pour ceux qui veulent s'ajouter et nous suivre via iTunes, ben cherchez l'APOC Podcast et nous allons sortir. Sur Facebook, vous cherchez l'APOC aussi et vous allez voir notre superbe logo qui a été créé par Sacha Lefebvre, qu'on remercie encore une fois. Et nous sommes disponibles sur sportradio.ca, sur iTunes, sur Radio H2O, éventuellement sur RZO Web. Et c'est ça, c'est pas mal ça. Et sur notre site internet, hors-jeu. Oui, malheureusement, ça, j'ai pas pu le changer encore. Hors-jeu-podcast.wordpress.com. Sinon, ben Jerry, je veux savoir où est-ce que les gens peuvent te retrouver. On peut me retrouver sur Facebook, Jerry Godbout, juste m'écrire un petit message me disant que vous me connaissez de hors-jeu. Ou sinon, possible de m'entendre sur les geeks qui sont parmi nous. Quand je suis là, une fois de temps en temps, ça arrive des fois. C'est pas mal ça. Il y a Twitter aussi, @Godbout25. Si vous voulez m'écrire, j'utilise, je vous dirais, dans les grosses périodes d'achalandage au hockey, ou sinon quelques fois quand ça me tente. Donc, c'est pas mal ça. Sinon, Sylvain, j'imagine que toi aussi, t'es rejoignable sur Facebook. Tout à fait. Sylvain Rioux sur Facebook. @SlyRioux sur Twitter. Et puis, c'est pas mal ça. Merci de l'invitation, les boys. Écoute, ça fut un plaisir, puis... on va te réinviter, c'est clair, éventuellement au courant de la saison, une couple de fois, j'en suis pas mal convaincu. Sinon, moi, vous pouvez me suivre sur Twitter, @GangJ_B. Sur Facebook, je vais gagner. Il suffit de mentionner que c'est en raison de mes podcasts que vous m'ajoutez. Voilà qui fait le tour pour le show de cette semaine. Comme je le disais, on se revoit, ben en fait, on se reparle dans deux semaines pour un autre épisode de la POC. D'ici là, ben... restez amateurs, restez fans, restez critiques sur le Canadien de Montréal. Faut pas tout lui donner cuit dans le bec, hein. Ça m'a amené, tout est pas parfait. Donc voilà, merci d'avoir été du rendez-vous et je vous dis à la prochaine fois. Salut. Ciao là. Il dit pas bye. Chris de mauvais être humain. Non, mais c'était votre show, esti. C'est vous autres qui dites bye au monde. Moi, je vous ai déjà remercié. Chris et moi, patient.